suis-moi, mon frère. Toi pis moi, on va vivre notre vie avec une coupe de bière. On va se perdre dans l'air comme deux enfants, yeah. On va prendre notre courage pis tout surmonter, yeah. On a vécu des moments durs, la patoie l'a surmonté, c'est sûr. Se faire briser le cœur à grande douleur, à cette heure, la vie ça me fait même plus peur. Creuser, je vais chercher le trésor qui je cache au fond de moi. Plus le temps d'attendre après le moment d'être fameux. C'est le moment d'habitude où que les gens y blâment us. Je suis perdu, rien que peu, je me gèle à grand feu. Pour oublier mes souffrances qui viennent transporter jusqu'à fontaine de jouvence et portabilité. Ça fait de la peine d'y penser que des gens qui croient à ça, c'est là que je m'élancera. Pour en finir nos problèmes, ils reviennent tout le temps, j'ai de la peine. Je voudrais pourtant en finir, oui, que c'est à toi que je parle, mister. C'est oui, c'est à toi que je parle, mademoiselle. Tous les haters, plus la peine. Plus d'émotions, je suis renfermé, fumé, trinqué. Tout ce que je veux, c'est oublier la planète. C'est pas pour moi, je suis perdu la sphère. Mais je sais que si je pars, je voudrais recommencer à neuf. Si je compte mes dépressions, je suis rendu à neuf. Ma tête explose comme je me fais crever un œuf. Je suis un homme à peine dans la drogue et la musique. C'est pas de ma force, si ma pression est critique. J'ai le cœur brisé, je suis tout décalissé. J'ai pas encore totalement fini de dégriser. J'ai le sang en compote encore couché sous la bolle. J'ai besoin de toutes mes potes, mais surtout pas des fucking trolls. La drogue a fini par me faire réaliser que la vie c'est de la merde. Des fois pas trop se frustrer, mais je suis décalibré, perdu dans mes pensées. Peut-être que si je boirais, moi je serais peut-être ok. De l'intelligence, oui, j'en ai encore. Je suis perdu dans le fort, je me sens plus très fort. Perdu trop mon clan à courir après toi. Je me suis juste enfoncé, vivre la vie dégénérée. Puis j'ai perdu mon temps à trop me frustrer. Attends, j'ai juste de la fucking perte perdue en moi. J'ai plus quel bord, il faudrait que je sois placé pour être heureux dans la vie. Je crois que tu compris, ouais. La croissance, ma souffrance perdura plus jamais. Je la vis de jour en jour, fait longtemps que je l'entamais. Je m'ennuie des soirs où je sortais pour frire. J'ai dépensé trop juste pour me faire vivre. Je pouvais m'échapper de cette triste réalité, mais rendu le point où la vie m'a tout enlevé. Je suis perdu de point où j'étais solitaire, à venir à point que je me fous de toutes vos airs. C'est naturel, j'attends juste un moment pour en finir pour une fois. Je suis décalibré, je vomis du sang, j'ai peut-être des qualités, mais tout ce que je vois c'est juste du blanc. La lumière au bout du tunnel, ouais c'est naturel, j'attends juste un moment pour en finir pour une fois. Yeah.